get away. Forget away. Forget away. Forget away. Forget away. Forget away. Forget away. Forget away. Tu sais, la vie n'est pas aussi simple que tu veux le croire. Souvent on lâche la corde et on se retrouve dans le noir.